J'imposais ma brique dans ce bordel. Quartier Sud 2. Pas besoin de sortir ton blaze, ton quartier, ton baratin. S'il faut se battre pour avoir sa place, je m'acharnerai pas. S'il faut changer pour que le son tabasse, je les charmerai pas. Je t'assure, c'est pas mon but de rimer pour plaire. Même sans parler de club, mon son laisse une traînée de pauvre. Ça fait maintenant depuis 2002 que j'use mes stylos. Enfermé dans ma chambre, j'y perds comme un esquimau. J'essaie de trouver des phrases qui tuent des thèmes. J'suis même pas sûr d'écrire, évacue mes peines. J'suis qui moi? Un type qui cogite devant sa feuille. J'ai pas pour but de péra pour que les petites putes s'affolent. Pas pour but de péra pour que les petites putes s'affolent. Pas pour but de péra pour que les petites putes s'affolent. J'te lâche mon avis, ma vie, ma vision sur prod. J'sais bien que mes sons pourront pas changer la face du club. J'aurais pu dire quartier de l'heure, viens pas tester sinon t'es meurs. Mais j'sais que j'peux tomber sur plus fort. Écoute mec, c'est pas parce que t'habites dans un quartier que t'es bon. T'as mon respect si tu milites pour écarter le démon. Quartier Sud 2, j'vais imposer ma brique dans ce bordel. J'te représente si t'aimes le texte et tu penses pareil. Mettre en avant ma provenance, ça veut rien dire du tout. Trop de mecs représentent le sceptisme mais n'en ont pas fait le tour. Quartier Sud 2, j'vais imposer ma brique dans ce bordel. Je te représente si t'aimes le texte et tu penses pareil. Mettre en avant ma provenance, ça veut rien dire du tout. Trop de mecs représentent le sceptisme mais n'en ont pas fait. Je viens poser ma brique, ouais c'est du rap à 1005 dolls authentique. Point pue comme les Pussycat Dolls. Le commercial je laisse à Sniper et Popcora. De nos jours les types pesés passent de la pop au rap. Si un jour tu me vas faire la pute sur un plateau de télé, viens me botter les fesses, c'est que je suis devenu un beau PD. Écoute, un inédit pour quartier dessus. Tu t'attendais à du ramen de la psychiatre. T'es sûr, rien à foutre de plaire, rien à foutre qu'on me suce la bite. Fais ton dot de tortille, joli bonhomme, tu peux garder ton fit. Rien à foutre de ta provenance, rien à foutre de ton département. J'préfère un type sincère qui crache un son au départ clément. Quartier Sud 2, j'vais imposer ma brique dans ce bordel. J'te représente si t'aimes le texte et tu penses pareil. Mettre en avant ma provenance, ça veut rien dire du tout. Trop de mecs représentent le sceptisme mais n'en ont pas fait le tour. Quartier Sud 2, j'vais imposer ma brique dans ce bordel. J'te représente si t'aimes le texte et tu penses pareil. Mettre en avant ma provenance, ça veut rien dire du tout. Trop de mecs représentent le sceptisme et n'en ont pas fait le tour. Un inédit pour quartier dessus. J't'assure c'est pas mon but de rimer pour plaire. Rimer pour plaire. J'vais imposer ma brique dans ce bordel. J'ai pas pour but de péra pour que les petites putes s'affolent. Zap. J'suis même pas sûr d'écrire, évacue mes peines.